et bienvenue dans la rediffusion audio de l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, réalisée et produite par l'équipe d'animation du programme prioritaire de recherche Autonomie. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est l'enregistrement d'un direct qui a eu lieu sur YouTube. Vous trouverez dans la description de cet épisode toutes les informations sur ce format, ainsi que des ressources complémentaires. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en apprendre plus sur nos activités et découvrir encore davantage la recherche sur l'autonomie. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Autonomie, l'actu de la recherche, produite et réalisée par l'équipe d'animation scientifique du PPR Autonomie, pilotée par le CNRS. Je suis Maria Saf, je suis responsable de l'animation scientifique et je serai votre hôte ce soir, accompagnée de notre régisseur Marcel Duchemin, qui s'assurera que tout se passe bien du côté de la technique. Côté interprétariat LSF langue française, nous sommes avec les équipes de SILS, et plus précisément Johan et Christine. Et comme pour la dernière émission, le sous-titrage sera retravaillé en post-production pour permettre une meilleure accessibilité de notre contenu. J'ajoute que les magnifiques habillages que vous voyez dans ces émissions ont été créés par Jojo de Bleu Renard Studio. Quant à vous, spectatrices et spectateurs, vous êtes avec nous par le chat et en commentaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et à discuter. Donc la première partie de cette émission sera consacrée à la présentation du livre « Se battre pour le climat pour bien vieillir, engagement civique et politique des seniors » de Yann Rosset et Jasmine Lorenzini. Et la seconde partie de l'émission prendra davantage la forme d'une table ronde et nous accueillerons ce soir Anne-Bérénice Simzac, donc sociologue et docteur en sciences politiques, spécialiste des questions liées au vieillissement. Elle est actuellement responsable du pôle recherche de Génératio, un cabinet d'études et de recherche, et elle est chercheuse associée au LAC, donc au Laboratoire Histoire, Humanité, Architecture, Contemporanéité, à l'ENSA à Nancy. Et Anne-Bérénice articule donc missions opérationnelles et travaux de recherche, et elle travaille actuellement notamment sur les questions de vieillissement et de marginalité, ainsi que les enjeux du vieillissement face au changement climatique. Alors Marcel, est-ce que tu peux faire entrer Yann, s'il te plaît? Bonsoir Yann. Bonsoir. Donc, je suis ravie de te recevoir ce soir pour parler de « Se battre pour le climat pour bien vieillir, engagement civique et politique des seniors ». Donc, avant de commencer, je propose de revenir un peu sur ton parcours et je te laisserai compléter s'il manque quelque chose. Donc Yann, tu es professeur associé à la Haute École et École supérieure de travail social du Valais, Suisse. Et donc Suisse, tu nous rejoins de Suisse. Et tes travaux portent notamment sur la représentation politique, l'impact des inégalités sociales et sur les processus démocratiques, l'impact, pardon, des inégalités sociales sur les processus démocratiques, ainsi que la politique environnementale. Et c'est notamment dans ce cadre que nous t'invitons aujourd'hui parce que tu t'es intéressé à la mobilisation de différents groupes sociaux face au changement climatique, dont les personnes âgées. Et tu as publié également un article sur le sujet, en plus de l'ouvrage présenté aujourd'hui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est une excellente présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, donc, l'ouvrage de Yann s'intéresse à un angle souvent oublié des débats sur le climat, le rapport des personnes âgées aux enjeux environnementaux. Donc alors que l'écologie est fréquemment présentée comme une affaire de jeune génération, ce travail montre que cette opposition n'a pas vraiment de sens. Donc l'ouvrage s'inscrit dans une approche de sens social qui interroge les idées reçues sur l'engagement climatique et il part d'un constat simple, donc on associe souvent l'écologie aux jeunes générations, en oubliant le rôle et l'expérience des personnes âgées. À partir d'enquêtes quantitatives et qualitatives, vous montrez que les personnes âgées ne sont ni indifférentes ni hostiles aux enjeux climatiques. Elles s'y sentent concernées à la fois en raison de leur vulnérabilité face aux effets du réchauffement climatique, par exemple, et à travers leur trajectoire de vie, leurs liens familiaux et leurs soucis des générations futures. Donc, l'engagement écologique apparaît ainsi comme un fait social, donc lié à la socialisation des individus, aux ressources et aux conditions de vie, plutôt qu'à l'âge en soi. Et le livre met aussi en lumière des formes d'engagement moins visibles politiquement, pratiques quotidiennes, choix de consommation, engagements locaux, qui participent à la construction d'un sentiment d'appartenance collective. En ce sens, il invite à repenser la mobilisation climatique, non pas seulement à partir de grandes actions militantes, mais à partir de rapports sociaux, des inégalités et des cadres de vie qui rendent l'engagement possible ou non. Donc on va maintenant présenter ton travail plus précisément afin qu'on puisse bien comprendre le contexte dans lequel tu l'as construit, les questions et les méthodes qui t'ont guidé, la littérature scientifique qui t'a accompagné, les conclusions auxquelles tu es arrivé. Et donc pour ce faire, je vais te poser quelques questions et j'invite les spectateurs et spectatrices à poser les leurs s'ils le souhaitent. Et peut-être une dernière précision, il faut savoir que l'ouvrage, il est disponible en ligne. Voilà, accessible totalement en ligne gratuitement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous devrions apprendre de nos amis suisses. Voilà. Alors, Yann, donc première question. Donc, on entend très souvent que le climat serait avant tout une cause portée par les jeunes, je l'ai précisé là à l'instant. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie, au contraire, de t'intéresser à l'engagement des personnes âgées sur ces questions? Et qu'est-ce que ton travail vient bousculer dans cette idée largement répandue? Alors, ce projet de livre, en fait, ce projet de recherche, parce que ça a commencé par un projet de recherche qui a donné lieu à un livre, on y a réfléchi à deux avec Jasmine Lorenzini. La première fois qu'on en a parlé, c'était en 2019. Donc, c'est un contexte dans lequel, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait pas mal de grèves pour le climat. Et les médias présentaient ces grèves comme étant des grèves essentiellement portées par les jeunes, ce qui était vrai dans le sens où c'est des grèves qui ont clairement été initiées par les jeunes. Après, c'est vrai que la composition des personnes qui manifestaient était beaucoup plus hétéroclite que ça. Mais à ce moment-là, nous, on est tombés lors d'une pause café, en fait, sur un article qui parlait d'une organisation suisse qui s'appelait Les Aînés pour le climat et qui avait décidé d'intenter une action en justice contre l'État suisse pour inaction climatique. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette espèce de paradoxe dans ce contexte où, d'un côté, on avait cette idées reçues, ce discours médiatique qui parlait des jeunes qui s'engageaient, et en même temps, eh bien, d'autres nouvelles qui montraient que finalement la mobilisation était beaucoup plus large. Donc ça, c'était une première chose où on s'est dit, finalement, il y a quelque chose qui est intéressant à aller creuser. Est-ce que dans quelle mesure est-ce que les personnes âgées manifestent aussi pour le climat, mais aussi comment elles s'engagent plus largement via en fait d'autres canaux. Et puis, disons, l'importance de cette idée, elle vient aussi du fait où on s'est rendu compte que finalement le groupe des seniors, c'est un groupe qui est important du point de vue démographique et qui va devenir de plus en plus important aussi dans les années à venir. Donc, si on veut essayer de réussir une transition vers un monde avec moins d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est important d'embarquer aussi ce groupe-là. Surtout que finalement, c'est un groupe qui a quand même aussi énormément de pouvoir. Alors, il est aussi très hétéroclite, mais c'est vrai que en moyenne, dans les sociétés démocratiques européennes, les personnes âgées sont un groupe qui participe beaucoup en politique, donc qui a tendance à beaucoup voter. C'est aussi un groupe qui en fait détient en moyenne une fortune qui est assez importante. Que ce soit en Suisse ou en Grande-Bretagne, par exemple, c'est le groupe qui a le plus de moyens économiques. Alors, évidemment, il y a énormément de personnes âgées qui sont dans des situations de précarité importantes, mais c'est vrai que c'est, si on prend le groupe dans son ensemble, un groupe qui a finalement aussi pas mal de moyens pour potentiellement investir qui, de par sa participation politique, de par son poids économique, a un rôle très important à jouer et un rôle qui est souvent occulté, en tout cas dans le discours dominant. Et on voit qu'en fait, c'est un groupe qui participe pas forcément moins que les autres. Je te remercie pour cette réponse. Je pense ne pas prendre grand risque en m'avançant. Tu as évoqué la Suisse et le Royaume-Uni. Je pense que c'est la même chose en France. Parce que c'est aussi le groupe qui possède le plus de richesses et probablement un pouvoir politique assez important. Alors, un aspect marquant de ton travail est le choix méthodologique. Donc, tu combines enquête quantitative et qualitative pour saisir les ressorts de l'engagement climatique des personnes âgées. Donc, qu'est-ce que ce croisement des méthodes t'a permis de voir que l'une ou l'autre prise de manière isolée n'aurait pas permis de saisir? Alors, je pense que y a clairement des avantages là, à travailler avec des méthodes mixtes, comme on l'a fait pour ce livre. C'est vrai qu'il y a des questions qu'on se posait auxquelles il n'était possible de répondre de manière satisfaisante qu'avec des données quantitatives. Et puis, il y a aussi quelques résultats importants qu'on n'aurait pas pu trouver en fait en utilisant uniquement les méthodes quantitatives. Alors, pourquoi est-ce que certaines questions nécessitaient les méthodes quantitatives. Si on se pose la question, finalement, s'il y a une différence d'attitude ou de comportement systématique entre groupes d'âge, si on veut répondre de manière satisfaisante à cette question, c'est vrai que le meilleur moyen, c'est quand même de travailler avec des échantillons représentatifs pour s'assurer finalement que des différences qu'on pourrait percevoir entretien qualitatif ne sont pas simplement liés à l'échantillon, finalement au hasard que telle ou telle personne a été sélectionnée pour participer à un entretien qualitatif. On réduit ce risque, évidemment, en utilisant des grands échantillons qui sont représentatifs. Donc, pour analyser le niveau, les attitudes finalement et les comportements des seniors et les comparer aux autres groupes d'âge, ça a été, disons, une méthode qui était nécessaire. Par ailleurs, on a aussi un intérêt en fait dans cet ouvrage pour une notion comme le bien-être, qui est une notion multidimensionnelle, qui est aussi très difficile à mesurer, mais il se trouve qu'il y a des outils qui ont été développés et via questionnaire avec une dizaine de questions qui permettent finalement de mesurer de manière relativement fine le bien-être et c'est vrai que d'avoir à la fois des données sur les attitudes et les comportements et le bien-être avec ces méthodes quantitatives, ça a été un grand plus pour notre recherche. Mais évidemment, ça a aussi des limites. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments importants sur les motivations des gens, par exemple, sur leur interprétation de leur propre engagement. C'est des choses qui ont été beaucoup plus difficiles finalement à appréhender dans un questionnaire quantitatif, parce qu'il y a vraiment une diversité de causes en fait pour la participation. Et c'est vrai que ce qui est sorti de l'analyse qualitative, je pense qu'on va pouvoir aller plus en détail sur certains points, mais ce qui est ressorti des éléments qualitatifs qu'on n'aurait pas pu faire avec le sondage, c'est par exemple le fait que les personnes âgées qui s'engagent sentent une très forte solidarité avec les générations futures, indépendamment d'avoir des enfants ou non. Et c'est vrai que ça pointe vers l'idée qu'il y a une forme d'altruisme parmi ce groupe. Donc les personnes parlent souvent d'une inquiétude pour l'humanité plutôt que d'une inquiétude pour leurs propres enfants. On voit aussi quelque chose qui ressortait pas tellement de l'analyse quantitative, mais qui ressort fortement dans entretiens, c'est une forme de, on peut appeler ça, fatigue, usure du militantisme, avec un relatif pessimisme sur la capacité à mener des actions avec succès dans le monde actuel. Et c'est vrai que les gens s'engagent, mais ne sont pas forcément persuadés que ces actions vont vraiment produire des effets très importants. Donc, ce relatif pessimisme, c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans les entretiens qualitatifs. Je te remercie. Pour creuser un petit peu plus, comme tu l'as dit, moi j'aimerais savoir, est-ce que cette démarche t'a conduit donc à nuancer certaines idées reçues, notamment sur le rôle de l'âge, tu l'as dit, le rapport à la famille, mais aussi le genre ou la nationalité de l'engagement, puisque vous l'abordez également, c'est une question que vous abordez également dans l'ouvrage. Alors, c'est vrai que par rapport à l'âge, je pense qu'il y a deux résultats principaux qu'il faudrait retenir. Un premier résultat, c'est qu'il n'y a pas d'effet systématique ou linéaire de l'âge et que en termes de participation politique pour des causes environnementales, on a plutôt une situation dans laquelle à la fois les jeunes et les personnes âgées s'engagent assez fort. Et le groupe, disons, des personnes d'âge moyen, les actifs, finalement, sont les personnes qui s'engagent le moins en moyenne, avec bien sûr toujours pas mal de différences. Mais c'est vrai que c'est un aspect qui était important, avec quand même une tendance pour les jeunes à s'engager très fortement sur certains enjeux et les personnes âgées qui s'engagent peut-être sur d'autres enjeux ou avec d'autres moyens en fait. Par exemple, on a constaté que les jeunes ont beaucoup plus, une plus forte probabilité, par exemple, devenir végétarienne ou végétarien pour des questions climatiques. Ou une plus forte probabilité de renoncer à la voiture. Mais par contre, les personnes âgées ont une plus forte probabilité à renoncer à l'avion. Elles ont une plus forte probabilité à avoir une très forte sensibilité pour consommer localement et des produits de saison. Donc en fait, on a plus qu'une vraiment différence de niveau en termes de comportement. Ou de comportements pro-environnementaux, on a une différence de manière de faire. Donc ça, c'était par rapport au rôle de l'âge. Et c'est vrai que parmi les autres variables, disons celle qui nous a le plus marqué, je pense, c'est quand même le genre, parce que c'est vrai que c'est un facteur qui a une très grande influence à la fois sur les attitudes et les comportements pro-environnementaux. Les femmes sont plus en faveur de l'environnement, adoptent plus facilement des comportements pro-environnementaux. Et puis, c'est un résultat qu'on connaissait, qui existait dans la littérature, évidemment. Mais c'est vrai qu'en ayant les données devant les yeux, en les analysant, en fait, et en comparant avec d'autres facteurs comme, par exemple, le revenu, ou bien le niveau d'éducation, c'est là qu'on se rend compte à quel point en fait le genre est important et à quel point il a un poids vraiment essentiel en fait sur ces questions environnementales. Donc on est le genre a plus ou moins le même poids finalement explicatif que le niveau d'éducation, voire même légèrement supérieur, donc c'est vrai que c'est un résultat qui nous avait surpris et qui est très marquant en fait. C'est un point très intéressant et qui est important dans l'ouvrage et sur lequel vous revenez beaucoup d'ailleurs. Et donc dans l'ouvrage, donc tu montres que l'opposition donc entre personnes âgées et enjeux climatiques n'a pas beaucoup de sens, notamment parce que les personnes âgées sont elles-mêmes particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. Donc, comment les personnes que vous avez rencontrées parlent-elles de cette vulnérabilité, de leur rapport au futur, donc le leur, mais aussi celui de leurs enfants et de leurs petits-enfants dans le cas où ils en ont, parce que comme tu l'as précisé, c'est pas toujours le cas et ça influe pas non plus systématiquement sur leur rapport à ces questions. Oui, alors c'est un point qui est très intéressant parce que dans le débat public, de nouveau, on parle souvent de l'engagement des seniors comme étant lié à leur propre vulnérabilité. Et d'ailleurs, c'est un des arguments qui est avancé, par exemple, dans les procès qui ont eu lieu, le fait que ce soit un groupe d'aînés pour le climat qui a fait intenter ce procès, c'était un argument pour dire. Nous sommes un groupe particulièrement vulnérable et donc nous avons la légitimité de pouvoir attaquer l'État. Mais en interviewant les personnes, on se rend compte que c'est presque plus. Alors, on n'a pas interviewé des personnes de ce groupe spécifique, mais c'est vrai que nous, on a peu entendu parler d'enjeux liés à sa propre vulnérabilité, à ses propres peurs. On a plutôt entendu des personnes qui étaient en fait extrêmement inquiète par rapport à l'humanité en général et puis qui voulait s'engager parce que elle pensait aux générations futures, indépendamment justement d'avoir des enfants ou non. C'était vraiment ça. Donc on a souvent entendu non, moi, ma vie, elle est derrière moi, j'ai fait ma vie, je m'engage ben, pour cette cause, mais pas forcément par rapport à une peur existentielle propre ou personnelle. Et donc, on a l'impression que ça renvoie à des enjeux plus larges de transmission et de rapport au temps, parce que l'engagement, de facto, n'est pas seulement lié à l'âge biologique, mais il a une place dans ce qu'on appelle les trajectoires de vie et même dans l'histoire familiale. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a un enjeu qui est très important, c'est cette question finalement du cycle de vie ou des phases de vie où ben, finalement les seniors et les jeunes ont en commun, par exemple, le fait d'avoir un peu plus de temps que les groupes d'âge intermédiaire qui sont une plus forte proportion à travailler, ont peut-être aussi des enfants jeunes à élever, etc. Donc c'est vrai que l'aspect finalement cycle de vie joue un rôle très important pour l'engagement, notamment via ces facteurs comme avoir suffisamment de temps pour le faire. Mais au-delà de ça, on s'est aussi rendu compte que beaucoup des personnes âgées qui se sont mobilisées pour le climat dans les années 2010-2020, finalement, étaient déjà mobilisés avant, que ce soit pour le climat ou parfois pour d'autres causes environnementales ou non environnementales, à d'autres époques. Donc, il y a souvent une continuité biographique. Donc ça, c'est quelque chose qui était relativement fort. Par contre, on n'a pas forcément recherché, mais on n'a pas trouvé, disons spontanément, d'histoire de famille militante. Donc, oui, il y a souvent des couples qui militent ensemble, de personnes âgées qui militent ensemble. On a souvent entendu parler de grands-parents qui s'engagent finalement avec des jeunes, mais ce n'est pas forcément leurs propres petits-enfants. Ça peut l'être, mais ce n'était pas ce qui est ressorti le plus fort. Donc évidemment, on pense qu'il y a des familles qui sont peut-être militantes et où la cause se transmet d'une génération à l'autre, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est ressorti le plus fort de nos entretiens. Oui, c'est intéressant aussi ce pas de côté et ces multiples formes. Et d'ailleurs, donc enfin, ces multiples formes d'engagement. Et donc, à ce propos, tu montres aussi que les modes d'engagement des personnes âgées diffèrent souvent de ceux qu'on associe classiquement au militantisme climatique. Il y a moins de manifestations, moins de confrontations directes, mais davantage de pratiques quotidiennes. Tu l'as dit, par exemple, la consommation de produits de saison, et donc qui influe plus sur les choix et de mode de vie. Donc, comment expliques-tu ces formes d'engagement plus discrètes, plus personnelles, on va dire? Alors, en fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a cette volonté, en fait, de s'engager pour les personnes militantes, pour une partie des personnes militantes, à la fois de s'engager politiquement et de manifester. Donc, je pense que les manifestations parmi les personnes âgées, enfin, le niveau de participation est pas forcément beaucoup, beaucoup plus faible que chez les jeunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, au-delà d'un pourcentage de toute façon faible dans la population qui va manifester, il y a un pourcentage très élevé qui va faire des gestes quotidiens avec vraiment l'idée que c'est pour le climat. C'est vrai que les questions qu'on a posées, c'est est-ce que vous avez renoncer à quelque chose spécifiquement pour des questions environnementales, donc pas pour des questions, par exemple, économiques ou ce type de choses. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que la proportion de personnes qui participent, elle est énorme. Alors, elle est évidemment énorme plus les gestes sont faciles à réaliser, notamment, je pense au tri des déchets ou bien peut-être à la récupération de certains objets, mais on a par contre aussi des types de participation qui sont très importantes. Je vois que la lumière ici s'est éteinte, du coup je vais vite aller la rallumer, mais Oui, il je n'y a pas. pars en même temps. Voilà, je vais porter l'ordinateur avec moi. Désolé, c'est mon institution qui Non, fait des économies d'énergie, et non. donc Voilà, on était en plein dans le sujet finalement, Yann. exactement. C'est Donc une c'est un petit illustration. geste, exactement, qui est important que tous les bureaux soient éteints à partir de 18h30 ou presque. Et donc là, par exemple, ce geste d'éteindre la lumière, à mon niveau personnel, ce serait pas un geste pour le climat, mais c'est vrai que je pense que l'institution dans laquelle je travaille le fait clairement avec l'optique d'économiser de l'énergie. Mais ce qu'on voit, c'est que les personnes âgées, elles ont leur propre modalité, en fait, pour participer, et que si on prend le niveau d'engagement moyen, il est très similaire entre les groupes d'âge. Mais chaque groupe d'âge va avoir une plus grande facilité, en fait, à adopter un tel type ou tel type de gestes. Donc, je vous ai dit déjà que, par exemple, les jeunes ont tendance à adopter un régime végétarien. Ils ont aussi plus tendance à éviter de prendre la voiture spécifiquement, donc pour des questions climatiques. Et puis, les personnes âgées renoncent à d'autres choses comme l'avion. Et puis, peuvent aussi, en fait, connaissent mieux peut-être les cycles des saisons et connaissent plus de recettes variées avec des produits locaux, hein, donc tendance à mettre plus l'accent là-dessus. Je te remercie. Et en parlant de ça, justement, précisément de ce sujet, et on a eu l'illustration institutionnelle avec ton université, est-ce que cela t'a amené à élargir la définition même de ce qu'on appelle le politique en intégrant des formes d'engagement ordinaires qui sont moins visibles que des manifestations ou des actions, voilà, de blocage ou autres? Mais qui sont socialement, qui peuvent être très significatifs. Parce que par exemple, la consommation quotidienne de viande, ça a un impact, on le sait, assez massif et assez direct sur le climat. C'est vrai que ça a été une des originalités de notre travail d'essayer de considérer, en fait, que tous les gestes qui sont faits spécifiquement pour le climat qui soient faits en fait dans la sphère publique ou dans la sphère privée, ça devient des manières de s'engager finalement pour le climat. Et c'est vrai que c'est une manière de concevoir l'engagement qui nous a permis aussi de comprendre pas mal de choses par rapport justement aux différences entre les groupes d'âge, mais on a aussi vu des différences importantes finalement, par exemple entre les genres. On s'est rendu compte que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes participent beaucoup plus pour des actions pro-environnementales en général, mais le gap entre hommes et femmes, par exemple, est plus faible dans les actions qui se déroulent dans la sphère publique que dans la sphère privée. Donc c'est vrai que c'est une manière d'analyser qui est intéressante de distinguer finalement entre des engagements qui se font dans la sphère privée et des engagements qui se font dans la sphère publique. Et même lorsque l'engagement passe pardon, par des gestes individuels, tu montres qu'il te permet aussi de construire un sentiment d'appartenance. Donc le fait de se reconnaître comme faisant partie d'une communauté qui lutte pour le climat spécifiquement. Donc qu'est-ce que cet engagement apporte aux personnes âgées en termes de lien social, de reconnaissance ou de sens? Et je pose cette question parce que la question de l'isolement des personnes âgées est aussi une thématique qui est assez importante dans le champ des études sur le vieillissement. Oui, alors c'est vrai que on a les personnes en fait qui s'engagent, elles ont des niveaux légèrement plus élevés de satisfaction avec leurs relations. Peut-être l'impression d'être finalement mieux intégrés aussi à la société. C'est pas des grosses différences, mais c'est quand même quelque chose qui ressort de notre analyse. Et puis dans les entretiens qualitatifs, les personnes ont très souvent mentionné que de rentrer en relation avec d'autres ou partager en fait les engagements qu'ils font, ça donne le sentiment d'appartenir à un groupe et c'est un facteur de motivation important. Alors c'est vrai que ça aide finalement pour ces gestes-là et c'est vrai que trouver des personnes qui partagent cet engagement, ça donne aussi de l'espoir. Ce qu'on note aussi, c'est que même si c'est pas formulé de manière explicite par les participants, on peut imaginer que l'engagement leur donne aussi une forme de reconnaissance de la part des autres personnes engagées. Alors, je pense que c'est particulièrement fort pour les personnes qui s'engagent finalement dans la sphère publique ou dans le monde associatif, dans le cadre de manifestations, etc. Mais je pense que ça peut aussi être le cas pour des engagements qui se font dans la sphère privée. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est vrai que ça peut aussi les confronter à finalement des personnes qui ne partagent pas leurs convictions ou leurs modes d'action. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément où tout d'un coup, bah, ça crée aussi des frontières au sein de la société avec, d'un côté, on se sent bien intégré dans un groupe, mais peut-être aussi un peu plus éloigné d'autres groupes qui participent, qui partagent pas forcément nos propres convictions. Et juste, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais sur engagement sphère privée et sphère publique, parce que tu l'as évoqué aussi dans ta réponse précédente avec un enjeu de distinction de genre. Et comme là, t'en as reparlé, est-ce que tu pourrais juste expliciter cela, s'il te plaît? Alors, oui, tout à fait. Les engagements dans la sphère publique, c'est manifester, signer des pétitions, participer activement dans des associations. Et puis, des choses qui seraient plus dans la sphère privée, ce serait typiquement renoncer à prendre l'avion, modifier son régime alimentaire. Changer ses moyens de transport, changer la manière de chauffer ou le niveau de chauffage qu'on va mettre dans sa maison et ce genre de Et choses. là, Et là, ça se superpose aussi avec le genre. C'est-à-dire que les hommes vont être plus dans l'engagement sphère publique et les femmes plus dans l'engagement sphère privée, Exactement. j'imagine. Oui, exactement. Mais pour être tout à fait exact, Ouais. du coup, en fait, les femmes participent beaucoup aux deux, mais la différence entre hommes-femmes est beaucoup plus marquée dans la sphère privée, en fait. Et dans la sphère publique, on a des niveaux qui sont similaires entre les gens, en effet. Me permet parce que moi comme j'ai lu le livre j'ai Oui. les résultats j'ai les résultats en tête. Autre question et on va s'orienter déjà vers la fin mais n'hésite pas hein, si tu veux rajouter des choses par la suite parce que donc, au final les enfin tes résultats montrent que certains facteurs sont plus structurants que d'autres. Donc par exemple le niveau de revenus ou le fait de vivre seul qui semble décourager l'engagement. Donc, comment interprètes-tu ces résultats et que nous disent-ils des conditions sociales, concrètes de l'engagement climatique des personnes âgées? Alors, je pense que ces résultats, ils reflètent une inégalité qu'on trouve quasiment dans tous les types d'engagement. Et c'est vrai que c'est un gradient social qu'on retrouve dans beaucoup d'activités, y compris même les activités de loisirs, par exemple. Et c'est vrai qu'on peut l'expliquer assez facilement, parce que c'est vrai que c'est plus facile de se lancer dans quelque chose si on a le temps, si on a l'esprit libre, si on a les moyens matériel et le réseau pour le faire. C'est vrai que ça, c'est des résultats qui sont bien connus de la littérature. Finalement, le temps, les ressources matérielles et le réseau sont des facteurs qui influencent beaucoup l'engagement social en général. Et c'est vrai que c'est des résultats qu'on retrouve avec quand même cette distinction. Qu'on peut faire, c'est que les deux facteurs que tu mentionnes dans ta question, donc le niveau de revenu a finalement un impact relativement limité. On voit que c'est pas forcément le facteur qui clive le plus sur les questions environnementales. Il y a un peu une influence plus forte du niveau d'éducation, mais elle est aussi relativement limitée. Et puis, c'est vrai que pour le fait de vivre seul, on trouve que les personnes qui vivent seules s'engagent moins, mais c'est vrai que ça correspond à cette notion de réseau, en fait, que les personnes qui connaissent d'autres personnes, qui interagissent souvent avec d'autres personnes, eh bien, ont plus de probabilités de pouvoir entendre parler de quelque chose, de pouvoir se motiver aussi à faire telle ou telle action. Et si j'ai envie, voilà, plus largement, si je pousse le curseur, est-ce que finalement ton travail ne montre pas que l'engagement écologique dépend moins des convictions que des ressources sociales, matérielles et tu viens d'évoquer relationnelles dont disposent les individus? Alors, moi, j'aurais tendance à nuancer cela. Pourquoi? Parce que il y a quand même un préalable de conviction. Les ressources sociales, matérielles, relationnelles, elles vont permettre de traduire ou non une conviction qui est préexistante. Mais si on n'a pas la conviction, eh bien, qu'on ait beaucoup ou pas de ces différentes ressources, finalement, ça ne va pas déboucher sur une action. Donc, les deux, je dirais que les convictions sont dans une certaine mesure nécessaires. Il n'y a pas besoin d'être au départ complètement convaincu par la cause. Donc il y a des gens qui s'engagent et qui, en s'engageant finalement, deviennent de plus en plus convaincus. Ça, c'est quelque chose qui arrive aussi. Mais en tout cas, il faut être ouvert à ouverte à cette possibilité finalement de vouloir s'engager pour le climat. Et puis, les ressources, ce n'est pas une condition sine qua non, mais c'est quelque chose qui va aider finalement à s'engager ou qui va faire qu'on va plus facilement le faire. Mais on trouve des gens qui s'engagent finalement de toutes conditions. Donc, les résultats montrent qu'il y a des effets de ces facteurs dont on vient de parler. Il y a un effet, les personnes plus éduquées ont une probabilité plus forte de s'engager, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui ne sont pas éduquées ne s'engagent pas du tout. On a quand même aussi une proportion de personnes avec une éducation plus faible qui s'engagent. Et donc, c'est des résultats qui finalement montrent que dans tous les groupes, on peut trouver des personnes qui vont s'engager, militer ou faire des actions à leur niveau dans la sphère privée, par exemple. Mais je te remercie pour voilà, si tu as quelque chose à ajouter, après on a la table ronde également, on a un autre temps de parole. Mais en tout cas, je te remercie. Ce travail d'enquête, il est vraiment très intéressant et comme on l'a dit, il va déjà à l'encontre d'une idée générale de dissociation entre personnes âgées et engagement climatique. Et en plus, comme tu l'as présenté, il apporte plein de nuances et de détails sur ces enjeux. Et là, la question que tu évoquais, notamment sur le niveau d'éducation qui n'influence pas forcément sur l'engagement, je pense que c'est très important aussi de l'avoir en tête pour sortir de certaines idées préconçues et de certains clichés aussi qu'on peut avoir sur le sujet, avec l'idée que la lutte pour le climat, elle serait réservée à des personnes très éduquées, y compris chez les personnes âgées. Et c'est pas forcément le cas du tout. Merci Yann. Merci beaucoup à toi. On se retrouve tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Marianne Vigneul, pardon, je rappelle son nom de famille, une de mes collègues qui va nous présenter une petite recommandation culturelle en lien avec la thématique de ce soir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative qui rend audibles des voix habituellement silenciées à travers une forme d'engagement créative. C'est l'initiative des Raging Grannies ou Mamies déchaînées. Alors, les Raging Grannies, elles sont nées à la fin des années 80 à Victoria, au Canada, et elles sont nées dans un contexte de mobilisation contre la présence de navires équipés d'armement nucléaire dans les eaux canadiennes. Et donc, à l'origine, il s'agit d'un petit groupe de femmes âgées de 52 à 67 ans, blanches, issues de la classe moyenne, éduquées, et elles peinent à faire entendre leurs idées au sein de mouvements militants dans lesquels elles sont déjà engagées. Et donc, ça les amène à réfléchir au peu de place qu'occupent les aînés dans les diverses sphères d'activité sociale et notamment dans les sphères militantes. Elles constatent l'omission, voire l'oppression des femmes âgées dans la société et la dévalorisation de leur savoir. C'est ce qui les amène à décider de prendre part au débat public via d'autres modalités d'expression que les modes de revendication habituels. Et donc, ces Raging Grannies, elles se revêtent des tenues colorées, des chapeaux fantaisistes, elles détournent des airs populaires et transforment les paroles de ces chansons en messages engagés pour se rendre visibles dans l'espace public et pour attirer l'attention des citoyens et des médias sur des enjeux politiques et sociaux. Elles jouent avec des vêtements caricaturaux et des représentations associées à l'âge et à la féminité. Pour désamorcer les préjugés qui pèsent sur les personnes vieillissantes et notamment les femmes qui sont, et ça on vient d'en parler, associées à l'image de personnes passives, fragiles, apolitiques, éloignées des débats contemporains et des engagements politiques. Et ce faisant, elle cherche à mobiliser des générations de femmes qui ont été isolées et exclues des espaces publics et qui ont eu peu d'expérience jusqu'alors de prise de parole, de délibération et de prise de décision collective. Le militantisme des Raging Grannies s'inscrit dans une filiation avec des stratégies issues de mouvements féministes des années 70-80 et elle mobilise la créativité et le détournement des normes pour porter des revendications et faire circuler leurs idées dans l'espace public. Face au discours agiste qui tend à positionner les femmes aînées comme dépendantes ou en retrait, leur action met en lumière une capacité d'action, de production de contenu et d'intervention dans le débat public. Elles ont donc une forme de mobilisation singulière qui est fondée sur l'humour, la musique et le décalage. Et elles revendiquent la tendresse et une manière de prendre la parole sans violence ni agressivité. Et elles disent d'ailleurs, voilà, que finalement, elles sont ainsi bien sympathiques aux gens. Et elles estiment que c'est une manière justement de pouvoir toucher les personnes qui assistent à leur manifestation. Au fil du temps, l'initiative s'est déployée sous forme de groupes locaux dans différents pays, mais alors à ma connaissance, pas en Europe. Chaque groupe peut s'emparer des enjeux qui lui semblent prioritaires. Pour prendre part au mouvement, il n'y a pas de critères d'âge strict, il s'agit de s'identifier comme femme âgée. Et par exemple, un article de 2004 mentionne des participantes âgées de 47 à 92 ans dans le groupe québécois des Mamies Déchaînées. Sur le site dédié à leur répertoire, wagingrannies.net, on trouve des centaines de chansons qui ont été écrites par les grannies, qui sont adaptées à des airs connus, qui sont pensées pour interpeller. Donc, c'est des paroles qui abordent une grande diversité d'enjeux contemporains, de la guerre au changement climatique, en passant par des questions, les questions économiques et les injustices sociales. Ces chansons peuvent être prises par toute personne qui souhaite s'en emparer pour manifester. Elles peuvent être modifiées ou enrichies selon les contextes et les mobilisations. Alors, si vous vous identifiez comme femme âgée et que vous êtes un peu plus créatif que moi, n'hésitez pas à rejoindre les Raging Grannies pour apporter votre pierre à l'édifice en proposant des textes pour enrichir ce répertoire de chansons engagées. Pour vous donner un aperçu de leur manifestation, je vous propose maintenant de découvrir les Mamies Déchaînées au travers de quelques images. Nous ferons ensuite une courte pause technique, puis nous retrouverons Marie Assaf en compagnie de Yann Rosset et Anne-Bérénice Simzac pour la seconde partie de cette émission. Je m'appelle Marguerite Bilodeau et je suis une Raging Granny de Montréal depuis plus de 3 ans. Les hommes et les garçons chanteront et toutes les femmes applaudiront tout autour de la terre tant qu'il y aura plus de guerre. Louise-Édith Hébert, c'est mon nom. Je suis une mémé déchaînée et avec les autres mémés déchaînés, nous sommes voués à la sauvegarde de la beauté du monde. Vous voyez, c'est une sorte de parodie de l'habillement des grands-mères d'autrefois. Le rôle des Raging Grannies, c'est de manifester pour la paix, pour l'environnement et la justice sociale. La guerre est stupide. Nous avons lancé un tas de bonnes idées auprès de larges auditoires partout au Canada. Et maintenant, aux États-Unis, c'est en train de devenir un mouvement mondial et j'en suis très heureuse. Donc pour cette seconde partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Bérénice Simzac, donc sociologue et docteur en sciences politiques. Donc Anne-Bérénice a travaillé sur le parcours résidentiel des personnes vivant en résidence autonomie et en tant que responsable du pôle recherche de Generatio, elle travaille sur les enjeux du vieillissement face au changement climatique, notamment sur la vie sur les littoraux et les éco les littéraux, pardon, et les éco-gestes, je vais y arriver, des personnes âgées. Anne-Bérénice, bonsoir. Donc, on a beaucoup parlé dans cette émission de l'idée selon laquelle la question climatique serait avant tout une affaire de génération et souvent de jeunes générations. Et tes travaux, en écho avec ceux de Yann, invitent précisément à déplacer ce regard. Il montre que le vieillissement et le changement climatique ne sont pas deux enjeux séparés, mais qu'ils se croisent profondément à travers des expériences de vie, des inégalités sociales et des formes d'engagement souvent peu visibles. Donc, tu travailles sur la manière dont les personnes âgées vivent concrètement les effets du changement climatique, notamment dans des territoires exposés, comme la Guadeloupe. Et donc, qu'est-ce que le climat change dans les conditions de vie en vieillissant en matière de santé, de logement, de mobilité, de sociabilité? Bah merci déjà pour l'invitation et puis pour cette question qui permet de revenir un petit peu sur les différents travaux que j'ai pu Pour répondre à cette question, je voulais m'appuyer peut-être sur un article qu'on avait rédigé avec Élodie Yobé, qui d'études et de recherches Génération. C'est un article qui est paru en 2024 dans la revue Gérontologie et Société, sur le numéro sur les Outre-mer, justement. Et on y interrogeait, en fait, les liens entre le vieillissement démographique et le changement climatique en s'appuyant sur l'exemple d'une commune de Guadeloupe. Parce que, en fait, Génération avait accompagné donc, cette commune, qui est la commune de Mornalo, qui était engagée dans une fabrique prospective, qui est un dispositif porté par l'Agence nationale de la cohésion et des territoires, donc l'ANCT. Qui vise à faire travailler en fait les communes sur des enjeux à horizon, je crois que c'était 2050. Et dans ce cadre-là, on a rencontré plus de 40 personnes en fait, qui étaient à la fois des élus, des acteurs associatifs, des professionnels et des habitants, dont des habitants âgés, à venir s'interroger en fait sur ces enjeux et du changement. Et au départ, en fait, on est vraiment parti du double constat que bah, les îles comme la Guadeloupe, elles sont fortement sensibles au dérèglement climatique, ce qui les rend plus vulnérables aux événements climatiques extrêmes comme bah, les cyclones, les inondations, la sécheresse, etc. Et que dans le même temps, sur la démographie, il y a une baisse de la natalité, un phénomène de migration des jeunes générations et puis l'allongement de l'espérance de vie notamment. Et ce qui va faire que d'ici 2030, en fait, la Guadeloupe et la Martinique, ça va être, en fait, ils vont compter plus de personnes âgées que de jeunes. Et donc, notre hypothèse, c'était que pour faire face à ces deux défis, l'anticipation, ça semblait être un levier d'action adéquat pour les territoires, et que pour ça, en fait, il y avait deux options possibles. Soit les collectivités vont gérer en silo, en fait, ces doubles enjeux, au risque d'émerger hein, par l'ampleur de la tâche à venir. Ou alors, elle pouvait mutualiser les solutions en se servant des actions mises en place pour lutter contre le réchauffement climatique comme levier pour servir à accompagner le vieillissement de la population et puis vice-versa. Et donc, les territoires pourraient comme ça se positionner dans une situation qu'on a appelée de résilience territoriale, en gros, pour transformer un facteur de vulnérabilité en un atout, en fait, pour répondre à ces défis futurs. Et par rapport à ce qu'on a travaillé sur la Guadeloupe, il y a vraiment trois axes d'action prioritaires qui ont été mis en avant pour que la commune puisse travailler de façon transversale ces enjeux sur le vieillissement démographique et le changement climatique. C'était celui de l'habitat, de la mobilité et des commerces et services de proximité, en sachant que de façon un petit peu transversale, il y avait aussi la thématique du lien social qui revenait de façon récurrente à ces trois enjeux-là. Pour donner peut-être quelques exemples pour rendre les choses un peu plus parlantes, par exemple sur l'habitat, c'était rendre, garantir l'accès à l'eau courante à tous les logements parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'accès à l'eau en Guadeloupe et notamment pour les ménages les plus âgés, c'est une vraie problématique. Sur la mobilité, c'était plutôt un objectif de développer des solutions alternatives pour se déplacer facilement, comme le développement de transports semi-collectifs, l'utilisation de covoiturage sur la commune. Aussi développer l'utilisation de cyclopousses, de vélos électriques aussi pour les personnes âgées, les seniors de la commune. Et puis concernant les commerces et les services de proximité, ce que les participants ont mis en évidence, c'était surtout la nécessité de favoriser bah, la consommation court, de produits locaux, comme l'évoquait Yann tout à l'heure, et de renforcer aussi les commerces de proximité dans tous les différents quartiers de la ville, très, très étalé. Voilà. Je te remercie pour cette première réponse. Juste un petit point, je pense qu'il faut que tu te rapproches de ton micro parce que parfois ça coupe. très très très très légèrement, voilà, si ça te dérange pas, parce que j'ai pas envie que les spectateurs perdent tout ce que tu dis de très intéressant. Alors, on parle beaucoup de la vulnérabilité des personnes âgées face aux canicules et aux catastrophes climatiques, mais tes travaux montrent aussi autre chose. Comment éviter une vision uniquement victimisante et rendre compte à la fois des fragilités et des capacités d'agir des personnes âgées? J'espère que ça ira mieux pour le micro. N'hésite pas à me dire en cours de route si ça saute. En tout cas, effectivement, c'est vrai qu'il y a ce risque de tomber rapidement en fait dans une vision assez victimisante hein, quand on aborde les liens entre vieillissement et changement climatique. Mais l'étude qu'on a pu réaliser avec Generatio sur le vieillissement dans les territoires littoraux, une étude d'ailleurs que vous pouvez retrouver hein, en ligne pour les personnes que ça intéresse. Pareil, c'est téléchargeable gratuitement. Hein. Là, on a plutôt montré qu'il fallait partir des spécificités des personnes âgées et du rôle que pouvaient jouer les territoires justement dans ce double défi. Le premier point, c'était peut-être de reconnaître en fait l'hétérogénéité des situations, parce que bah, comme vous le savez, en fait, les personnes âgées ne forment pas un groupe homogène et elles ne forment pas non plus un groupe homogène face aux enjeux climatiques. Et dans les communes littorales qu'on a plus particulièrement enquêtées, on a observé deux profils très différents, bah les seniors qui habitent depuis de nombreuses années en fait sur le territoire et les nouveaux arrivants qui vont déménager au moment de la retraite pour passer la retraite au soleil, etc. Ce qui est une réalité aussi en termes de démographie et de flux migratoires. Et bah ces deux populations, elles ne vont pas avoir ni les mêmes ressources, ni les mêmes réseaux sociaux, ni les mêmes capacités d'adaptation face aux aléas climatiques. Et donc c'est là aussi, il faut prendre en compte l'âge, mais aussi bah, le reste qui peut aller avec, les maladies chroniques, le niveau de revenu, la mobilité, le réseau social, et puis la perception aussi que les personnes vont avoir du risque climatique. Et ça va être un ensemble en fait de facteurs qui va affecter la sensibilité aux aléas climatiques et la capacité des individus à s'y adapter ou pas en fait. Et c'est donc pas seulement une question d'âge, mais aussi une question d'environnement de vie de façon plus large. Ensuite, je pense qu'il s'agit aussi de penser le rôle des territoires dans cette question-là. Parce que dans l'étude là qu'on a menée, on a dégagé 10 grands enjeux pour les communes littorales pour faire face en fait au vieillissement dans un contexte de changement climatique. Et ces enjeux-là, ce qui les rend spécifiques, c'est qu'ils sont cumulatifs à ces territoires-là. Et c'est bien cette accumulation qui fait à leur fois finalement leur importance et leur complexité. Si je prends par exemple bah, les territoires littoraux qui sont confrontés à des normes urbanistiques qui ne sont pas toujours compatibles avec le besoin des personnes âgées. Par exemple, on a des plans locaux d'urbanisme qui peuvent fixer la hauteur de construction dans les zones inondables, etc., pour protéger des crues. Mais ce n'est pas forcément adapté à des personnes âgées à mobilité de la même façon, il y a aussi un enjeu d'intégrer les populations vulnérables dans les plans communaux de sauvegarde pour pouvoir anticiper des situations de vulnérabilité qui apparaîtraient soudainement du fait d'un aléa climatique extrême. Hein. Par exemple, bah, des personnes qui se retrouvaient coupées d'électricité ou dans des maisons inondées, qui auraient pu accéder à leurs médicaments ou ce genre de choses. Qui fait que jusqu'alors elles étaient en parfaite autonomie, mais du fait de la catastrophe, deviendraient bah, dans une situation de vulnérabilité, ce qui n'était pas forcément anticipé. Et dans le panel des villes qu'on a enquêtées, bah, il n'y a pas vraiment de commune qui a porté une réflexion spécifique pour porter une attention particulière au public âgé dans des cas de catastrophes naturelles. Alors, il y a bien le registre des personnes isolées qui existe, notamment pour, c'est ce qu'ils utilisent en cas de canicule, hein. Mais ça, c'est un registre qui reste quand même insuffisant parce qu'il va souvent recenser qu'un faible nombre de personnes qui sont déjà en situation d'isolement ou de fragilité. Et ce n'est pas un registre qui a été pensé pour répondre à cet enjeu finalement de l'urgence en situation, voilà, où personne pourrait basculer en situation de fragilité. Alors qu'elle n'y était pas auparavant. Ce qu'on peut évoquer aussi, c'est que l'étude va montrer qu'il s'agit pour les communes, bah, un petit peu comme on le disait pour la Guadeloupe juste avant, l'idée c'est de transformer des contraintes en opportunités finales. L'enjeu, c'est de créer des conditions pour que les personnes âgées puissent continuer à habiter et vieillir sur leur même territoire de vie, même face à des aléas climatiques extrêmes. Alors après, c'est vrai que pour les collectivités, elles ont une marge de manœuvre assez limitée et qu'avec peu de moyens, et elles doivent répondre à des situations qui sont souvent paradoxales, complexes. Elles doivent à la fois bah, proposer des services adaptés à une population âgée croissante, sans négliger les autres générations, être attractives, il faut dynamiser les territoires, mais sans créer une tension immobilière, etc. Donc c'est vrai que leur rôle n'est pas simple, même s'il est important, il n'est pas simple. Et finalement, pour répondre à l'enjeu du vieillissement et du changement climatique sur leur territoire, bah, ça va passer par une approche plutôt prospective. C'est ce qu'on a pu voir à la fois en Guadeloupe ou sur les villes littorales. C'est qu'il faut anticiper les trajectoires résidentielles, proposer une offre de services adaptée qui va évoluer aussi avec la population qu'elles accueillent. Ça va être aussi lutter contre l'isolement social qui va amplifier la vulnérabilité. Ça va être accompagner l'adaptation des logements, des quartiers, etc. Et en somme, pour éviter la victimisation, pour revenir vraiment à ta question, Marie, c'est peut-être reconnaître ces fragilités tout en donnant les moyens aux personnes âgées et aux territoires d'agir. Et c'est passer bah, d'une logique de protection à une logique d'accompagnement et d'adaptation, quoi. Je te remercie et je pense que nous, c'est des enjeux qui nous intéressent particulièrement au PPR autonomie, puisqu'on réfléchit à l'autonomie des personnes. Alors, on l'a vu avec Yann et son ouvrage S'engager pour le climat. Quand les personnes âgées s'engagent pour le climat, elles ne le font pas toujours par les formes classiques de mobilisation. On l'a dit, hein, les manifestations, les actions militantes visibles comme le blocage de route, etc. Donc, toi, de ton côté, dans tes travaux, quelles autres formes d'engagement as-tu pu observer, plus locales, plus discrètes, ou plus quotidienne. Alors oui, en préambule déjà, il faut quand même dire qu'il y a quelques personnes âgées qui sont quand même vraiment militantes et c'est ce qu'on a pu voir notamment dans l'étude à laquelle on a contribué pour Parlons Climat, qui a fait une étude vraiment sur l'engagement des seniors pour le climat. Et nous, on en a réalisé un benchmark international des mobilisations des seniors et on a pu constater voilà, qu'il y avait quand même des grands mouvements seniors militants, bah, comme l'a évoqué Yann tout à l'heure, que ce soit les aînés pour le climat en Suisse, les grands-parents pour le climat en Europe, et là, qui vont mobiliser seniors militants, pour le coup. Et de même, dans le cadre d'un chantier de recherche qu'on a réalisé donc avec la sociologue Mélissa Asli-Petit pour Leroy Merlin Source, donc là, c'était en 2023, donc un chantier de recherche qui travaillait et qui portait vraiment sur les éco-gestes des jeunes retraités. Là, on a aussi rencontré dans notre panel des quelques retraités aussi militants qui participaient aux marches pour le climat, qui s'engageaient vraiment dans les associations pour l'environnement, etc. D'ailleurs, c'est aussi deux études que vous pouvez retrouver librement en ligne, bah, respectivement sur le site de Parlons Climat et de Leroy Merlin Source, si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette, voilà, ces quelques mouvements assez emblématiques, ce qui nous a frappé aussi dans la recherche qu'on a menée pour Leroy Merlin Source, c'est l'importance en fait de ces engagements du quotidien. Qui sont plus discrets, mais tout aussi significatifs pour les individus. Et alors, ça va être des pratiques très ancrées dans le quotidien que beaucoup de retraités vont mettre en place sans qu'ils soient eux-mêmes militants ou même engagés ou même sensibles aux questions climatiques, quoi. On peut prendre par exemple la question des déchets, du tri des déchets. C'est le tri des déchets, c'est le premier éco-geste citoyen, c'est l'entrée en fait sur les questions environnementales. Et dans les retraités qu'on a vus, alors ils étaient tous OK pour trier leurs déchets. Et il y en a certains qui avaient aussi des composts, soit des composts domestiques, il y en avait plus de la moitié qui avaient des composts, soit ils allaient dans des bornes de biodéchets, etc. Et on avait même une retraitée qui nous disait voilà, qu'elle avait installé au pied de son immeuble un compost collectif. Elle était très fière de nous expliquer que ça y est, ses voisins s'en étaient emparés et qu'ils l'utilisaient aussi également. Mais pour autant, ce n'était pas une militante écologique, quoi. Et sur la consommation d'énergie, c'était un petit peu pareil. On a rencontré des seniors, en fait, qui contrôlaient beaucoup leur consommation, ils utilisaient des programmateurs, ils limitaient les températures de chauffage, etc. Il y en a qui ont équipé leur maison de panneaux photovoltaïques. Mais ces pratiques-là, elles ne relevaient pas toujours, en fait, d'une motivation écologique. C'était même surtout, le plus souvent, lié au pouvoir d'achat dans un contexte économique de plus en plus contraint. Surtout que l'enquête a été réalisée juste après le début de la crise avec la guerre en Ukraine et du coup l'inflation des coûts de l'énergie. Et c'est ça qui était intéressant aussi, c'était de voir que bah, en fait, le résultat il est positif pour l'environnement, mais la première motivation n'était pas forcément de protéger l'environnement, elle était peut-être plutôt économique. Les différents éco-gestes qu'on a rencontrés aussi, enfin qu'on a pu observer, c'était aussi des engagements très locaux. Les seniors, en fait, ils ont privilégier les actions dans leur quartier. Je sais qu'on a rencontré aussi des retraités qui étaient bénévoles dans des coopératives ou qui vendaient des produits de circuit court, qui participaient aussi à des systèmes d'échange locaux, etc. Et à chaque fois, c'est vrai que cet engagement, il est très local et très lié au territoire de vie immédiat des personnes, en fait. Et en termes de mise en œuvre de ces pratiques, ce qui est important, en fait, ce qui est ressorti vraiment de l'étude, c'est que pour les seniors, ce qui est important, c'est que ces pratiques, elles doivent rester pratiques, justement. Pour qu'elles soient durables, il faut que ça soit facile à mettre en place, qu'il n'y ait pas des contraintes trop importantes, sinon ça fonctionne pas, en fait, sur la durée. Et de la même façon que ce qu'expliquait Yann précédemment, nous aussi, on a vu que l'effet d'âge, en fait, c'était pas ressorti comme un élément déterminant pour les pratiques environnementales. Et que ces pratiques individuelles, elles étaient moins définies finalement par l'âge des personnes que bah, ancrées dans un parcours de vie de ces retraités. On a rencontré en fait des personnes qui étaient, bah, certains avaient été confrontés à des événements marquants au cours de leur jeunesse, comme le choc pétrolier, des mouvements écologiques des années 70, etc. Et c'est ça en fait qui a influencé leur comportement. Ou alors c'était des pratiques qui étaient transmises par des habitudes familiales. Souvent, on nous a dit, quand on les interrogeait sur leur consommation d'eau ou le fait de faire un compost, ils nous disaient, bah, on a toujours fait comme ça. Nos parents faisaient comme ça, on fait comme ça. Et finalement, bah, ils mettent en place ces pratiques sans forcément les conscientiser comme étant, un acte, écologique. Je te remercie pour ces réponses très complètes. Je vais le dire parce que ça fait 3 fois que j'y pense. On mettra tous les liens vers le livre et toi, tes articles, tes études en description et sur la page de notre site. Hein. À chaque fois que tu le disais, j'oubliais de le dire. Et je trouve que c'est intéressant aussi ces pratiques parce que ça, pour moi, ça m'a fait penser à ce que disait Yann et ce qui est très présent aussi dans son ouvrage sur la question du bien-être. Enfin, je trouve qu'il y a aussi cet équilibre à trouver dans ces formes d'engagement, enfin, qui en tout cas a l'air de tenir aussi à cœur des personnes âgées. Mais merci beaucoup pour cette intervention. Enfin, de toute façon, tu restes avec nous, puisque là, je vais vous poser des questions un peu transverses. Donc, je vais vous inviter tous les deux à répondre. Parce que, donc, à vous écouter, on comprend que le rapport au climat dépend moins de l'âge, hein, tu l'as reprécisé là à l'instant, Anne-Bérénice, que des conditions sociales, territoriales, relationnelles dans lesquelles on vieillit. Donc, selon vous, qu'est-ce que cela révèle des angles morts actuels des politiques climatiques et de vieillissement? Et est-ce que ces politiques sont aujourd'hui pensées à partir des expériences réelles des personnes âgées, ou plutôt à partir de catégories plus abstraites. Alors, lequel de vous deux veut prendre la parole en premier? Je veux bien Yann? relayer Voilà, Yann. Bérénice un petit moment. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en général, en fait, indépendamment du public, les politiques climatiques, elles sont actuellement insuffisantes, hein, indépendamment du groupe qui est visé. Et c'est vrai que je pense que ce qu'Anne Bérénice a montré, ce qui ressort aussi dans nos travaux, c'est que potentiellement, tous les groupes d'âge, en tout cas les seniors, peuvent être tout à fait intéressés à participer ou bénéficier de politiques publiques spécifiques liées au climat. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel pour faire des politiques publiques qui conviendraient à tout le monde, mais c'est vrai que probablement ce serait une bonne idée de pouvoir les co-construire, que en fait sur tous les éléments que Anne-Bérénice a mentionnés sur l'aspect pratique, y a sûrement des manières de mettre en œuvre ou de faciliter certains engagements. Et c'est vrai que je pense des formes de participatives, disons, dans l'élaboration de ces politiques plutôt locales, ce serait quelque chose qui serait tout à fait le bienvenu. Et juste, je m'interroge avant de te laisser la parole, Anne-Bérénice, parce que comme t'es Suisse et que t'es spécialiste de la Suisse, Yann, il me semble que justement sur ces pratiques participatives, peut-être la Suisse a une tradition politique, comment je vais le formuler, sans être blessante envers la République française, donc plus avancée, plus ancrée Non, plus dans ancré, la ouais, tradition. plus Voilà, ancien. je vais le formuler comme ça. Donc, est-ce pas. Voilà, aussi en tant que chercheur spécialiste du système politique suisse, est-ce que tu penses qu'il y a un exemple à tirer ou alors pas du tout? Et tu vas nous dire, mais en fait, ça ne fonctionne pas finalement dans vos cantons. Ça ne fonctionne pas non plus. Ouais, alors, je pense qu'on pourrait aussi clairement mieux faire les choses en Suisse, mais c'est sûr que d'avoir des institutions qui intègrent la participation, c'est une bonne chose. Sans bien connaître tous les détails de la vie politique française locale, j'ai quand même l'impression que ces processus participatifs au niveau local en France se développent aussi. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est moins ancré à un niveau plus global au niveau du pays. Donc c'est vrai que en Suisse, on a cette habitude de la démocratie directe où des citoyennes, des citoyens peuvent proposer des initiatives sur lesquelles ensuite la population est amenée à voter. Mais c'est vrai que donc ça donne une implication, une possibilité, une porte d'entrée pour pas mal de groupes, de pouvoir faire avancer des thématiques. C'est vrai que c'est rare que ces initiatives finalement aboutissent ou passent, mais ça peut donner cette idée que les citoyennes, les citoyens peuvent participer directement. Mais c'est vrai qu'au niveau du climat, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent se faire au niveau local. Et là, c'est vrai que c'est des processus participatifs intéressants, mais qui, je pense, pour le coup, sont pas forcément spécifiques à la Suisse. Je te remercie. Je vais laisser Anne-Bérénice rebondir d'ailleurs également là-dessus, puisque tu es spécialiste, tu l'as illustré aussi là dans les réponses précédentes, de ces enjeux territoriaux et de participation aussi plus locale. Oui, c'est vrai que pour compléter la réponse de Yann par rapport aux angles morts que tu évoquais, Marie, moi, un des angles morts que je vois, ce serait l'enjeu du cloisonnement, ce qu'on évoquait tout à l'heure un petit peu aussi, parce que c'est vrai que les collectivités, elles ont tendance souvent à gérer les enjeux démographiques d'un côté, les enjeux climatiques de l'autre, etc. Et qu'au final, ça complexifie un petit peu les choses. Et c'est ce qui ressort un petit peu des différentes études. Hein, c'est qu'il y a une opportunité finalement à mutualiser les solutions, même si ce lien entre vieillissement et climat est encore très peu pensé au niveau des territoires et des collectivités, il n'est pas évident en fait. Et que finalement, si je prends un exemple très concret, développer les mobilités douces par exemple, c'est bénéfique à la fois pour l'adaptation climatique et aussi pour le bien vieillir parce qu'on va. On va permettre aux seniors de pouvoir se déplacer plus facilement. De la même façon, favoriser les commerces locaux de proximité en circuit court, ça va réduire l'empreinte carbone, mais ça va aussi pouvoir créer du lien social pour les seniors dans les quartiers, en fait. Donc, c'est vrai que de penser de façon plutôt systémique, ça peut, c'est pas évident, mais ça peut amener aussi des bénéfices au niveau des territoires. L'autre angle mort auquel j'avais pensé par rapport à ta question, c'était l'invisibilisation de certains territoires. Donc, moi, je parle plutôt de ceux sur lesquels on a travaillé, hein, comme les territoires d'outre-mer, qui sont encore pas très visibilisés, alors qu'ils ont des enjeux fort à la fois de démographie et d'accompagnement du grand âge, aussi sur les enjeux climatiques. Et de la même façon, sur les zones littorales en métropole, on a des constats qui sont assez proches et encore peu pensés. Mais pour la bonne nouvelle, parce que comme disait Yann tout à l'heure, il faut aussi des bonnes nouvelles, c'est que pour sortir de ces angles morts, il y a aussi des leviers, comme l'importance des parcours de vie, le fait d'étudier ces parcours de vie. On voit que les pratiques environnementales, elles ne sont pas déterminées que par l'âge, mais elles sont ancrées dans des trajectoires individuelles. Hein, donc, on va du coup pouvoir peut-être plutôt penser des politiques publiques. Pas que par tranche d'âge, ce qui pourra permettre aussi d'avoir un levier la plus important. Et puis, on a ce rôle aussi central de l'environnement local, hein, avec des politiques publiques territoriales qui vont avoir un impact direct sur les pratiques des individus. On a un engagement des communes qui va être déterminant à la fois pour favoriser les engagements individuels, hein, tout simplement si la commune ne met pas en place une gestion du tri des déchets ou s'il va pas favoriser le transport en commun, etc., ce sera plus compliqué pour les individus de mettre en place ces gestes-là, mais aussi pour avoir une vision plus prospective des actions à mettre en œuvre à l'échelle du territoire, quoi. C'est vrai que c'est comme les collectivités ont ce rôle-là qui est assez important. Et là aussi, ce qui peut être intéressant, c'est finalement de passer d'une logique de catégorisation par âge à une approche territoriale plus systémique, comme je le disais avant, en fait. Parce que finalement, répondre aux enjeux du vieillissement, c'est pas que imaginer des solutions pour les vieux, pour le grand âge, c'est aussi penser aux jeunes générations, aux familles, aux solidarités locales, aux interdépendances économiques qu'il peut y avoir, etc. Et on ne peut pas, en fait, penser le vieillissement sans penser de l'attractivité du territoire pour toutes les générations, quoi. Je te remercie pour cette réponse et précisément vos travaux respectifs invitent à nuancer l'idée d'une responsabilité climatique individuelle uniforme. Donc entre vulnérabilité, capacité d'agir inégale et forme d'engagement discrète, comment repenser la notion de responsabilité sans culpabiliser? Mais sans non plus dépolitiser les enjeux, ce qui est un risque quand même majeur quand on aborde ces sujets. Et qu'est-ce que cela change dans la manière de penser la justice climatique entre générations également et entre groupes sociaux aussi? Alors, pareil, Yann, est-ce que tu veux prendre. On continue sur cet ordre de tour de table, voilà, si ça Ok, te va. volontiers, oui. Mais c'est vrai que un des enjeux, c'est que le changement climatique, c'est vraiment une thématique qui nécessite de créer des grandes majorités, des consensus, parce qu'il y a des transformations importantes à faire, et ce sera possible de les faire seulement si les gens sont convaincus. Enfin, c'est ça qui compte quand même. Et donc, c'est vrai que c'est important de ne pas culpabiliser, mais en même temps responsabiliser les personnes. Le grand danger que je vois maintenant, c'est cette sorte d'immobilisme où tout le monde se dit Ah, bien, il y a pire que moi. Les jeunes accusent les personnes âgées de vivre dans des logements. Qui sont trop grands ou mal isolés, les personnes âgées accuseraient les jeunes à dire ah mais ça c'est la génération qui prend tout le temps l'avion, qui a une consommation très importante d'objets électroniques, etc. Et donc avec ça on va aller nulle part parce qu'en fait tout ça c'est vrai, mais chacun de ces groupes a aussi des points sur lesquels on voit qu'il y a de la bonne volonté, et puis on voit que c'est aussi qu'en fait tous les groupes sont majoritairement pour le climat et favorables à le faire, mais peut-être par des actions différentes. Et donc, c'est vrai que c'est l'enjeu, je pense, actuel, c'est de pouvoir trouver des consensus, trouver des points sur lesquels tout le monde peut être d'accord avec peut-être des manières d'y arriver qui sont différentes. Arrêter de se déresponsabiliser en disant qu'il y a pire que soi. C'est vrai qu'on va toujours trouver. Mais c'est vrai que l'enjeu actuel, au-delà des questions d'âge, c'est quand même, tous les travaux montrent quand même que la plus grande contribution aux émissions de gaz à effet de serre, c'est de loin, de manière très disproportionnée, les personnes riches, dans les pays riches, qui en sont responsables. Et donc, au-delà de groupes d'âge ou autres, c'est vrai que finalement, le groupe qui a le plus grand levier pour faire baisser les émissions et qui pourrait aussi peut-être faire changer les normes sociales par rapport aux questions environnementales, eh bien, c'est les personnes très riches dans les pays riches. Je pense que c'est quand même important de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier et même si ça peut paraître évident pour beaucoup et pour vous qui avez travaillé sur ces sujets, je pense que c'est quand même un effort pédagogique à faire et je te remercie de le rappeler aussi clairement aujourd'hui. Anne-Bérénice, je vais te laisser la parole. Oui, bah écoute, moi je suis assez d'accord avec Yann qu'il faut aussi, bah voilà, déconstruire ce clivage en fait générationnel qui a été souvent brandi en fait dans les débats sur le climat avec cette figure du militant écologique, bah c'est un jeune, jeunesse engagée, etc. Et cette représentation dominante, bah ça implicitement en fait ça reléguait les seniors au rang de spectateurs, soit victimes des canicules, soit accusés de léguer aux générations futures un monde dégradé et sans eux-mêmes participer à sa réparation. Et en fait, les personnes âgées, elles sont ni indifférentes ni hostiles aux enjeux climatiques, hein. Elles se sentent concernées à travers leur trajectoire de vie, leurs liens familiaux, leurs soucis des générations futures, etc., comme tout à chacun finalement. Et finalement, repenser la responsabilité sans culpabiliser, bah, ça implique aussi, je pense, de reconnaître que les pratiques individuelles, elles dépendent en fait des structures bah, dans lesquelles les individus s'insèrent et que devenir sobre, bah, ça va pas de soi et que c'est un processus qui va être plus ou moins long et que les individus sont aussi plus ou moins aux prises avec des valeurs qui se sont forgées depuis des années. Mais aussi avec des évolutions de la société qui viennent bousculer certaines pratiques, hein. Si on prend l'exemple de la mobilité, par exemple, un exemple qu'on avait pu voir justement dans l'étude pour Leroy Merlin Source, bah, la voiture, elle est désignée comme pourvoyeuse d'externalités environnementales négatives, mais elle n'a jamais été aussi incontournable pour les ménages et notamment pour les ménages âgés qu'aujourd'hui, quoi. On a rencontré des retraités qui ont une vraie sensibilité écologiques et qui font énormément d'éco-gestes et pour le coup en pleine conscience, etc. Mais ils nous disaient clairement ne pas pouvoir renoncer à la voiture, même pour, voilà, pour des trajets du quotidien, parce qu'ils habitaient dans des zones qui étaient mal desservies par les transports en commun, même si c'était des zones dans des grandes villes, quoi. Et donc là, les ajustements, ils pourraient être introduits par des décisions politiques, comme ajouter des arrêts de transport collectif, augmenter les pistes cyclables, les sécuriser, etc., notamment pour les seniors, développer des services de mobilité plus adaptés, etc. Et donc, c'est là aussi où on revient sur ce rôle, finalement, des collectivités comme un acteur central de la transition climatique, pour espérer des mises en œuvre efficaces, d'actions efficaces, bah, il faut aussi mobiliser tous les acteurs du territoire, quoi. Il faut à la fois les décideurs publics, mais aussi les habitants, y compris les habitants âgés, quoi. Et comme on le disait plus tôt, bah, la mise en œuvre de ces réponses, elle requiert aussi une capacité prospective pour analyser à la fois l'existant et puis les besoins à venir pour adapter au mieux les solutions à mettre en place, quoi. Bah, je vous remercie tous les deux. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, chacun? Non, sur ce sujet. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que bah, au PPR Autonomie, comme vous le savez, on s'intéresse aux enjeux de vieillissement et de handicap. Et la question de l'écologie, de l'engagement des personnes handicapées aussi dans ces mouvements et dans la réflexion de comment on repense les politiques publiques. Et ce que vous avez abordé, c'est aussi important d'inclure personnes handicapées, personnes âgées. Et souvent, c'est des intérêts qui se croisent et puis même des pratiques aussi militantes qui se croisent parce que c'est des personnes qui sont souvent exclues des pratiques militantes plus classiques. Donc, je vous remercie. Moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant. J'étais ravie d'échanger avec vous ce soir. Est-ce que vous avez des actualités, par contre, de publication, peut-être, que vous voulez nous partager? Oui. Et l'un et Malheureusement. l'autre? Non? Ah non, d'accord, je pensais. Anne-Bérénice, peut-être? On a un projet commun où Yann, moi et Mario Paris, on co-coordonne un numéro de la revue Gérontologie sur ce sujet, justement, qui sera à paraître, si tout va bien, cet hiver, crois. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais on est en plein dans le sujet. C'est super. Yann l'avait oublié. Justement, Non, Yann, mais il l'avait plus en tête, donc peut-être pas pour cet comme il n'est pas hiver. encore sorti, Ah j'avais pas pensé, mais oui, on y travaille, il sera disponible, voilà, non. Mais plutôt vers la fin de l'année, c'est ça? c'est ça. Oui. Ouais. Non, mais c'est super. Et on verra aussi à cette publication. Merci. Merci à tous les deux. Il faut que je fasse mon devoir à chaque fois, à chaque fin d'émission. C'est une épreuve difficile pour moi, j'oublie. Nous, du côté du PPR, on se retrouve pour la prochaine émission avec comme invité le chercheur Benoît Hérault. C'est le 10 février. Je vais vérifier, mais normalement, oui, Laure m'a dit que c'était bien ça le 10 février. Donc, c'est donc, oui, je vois Marianne qui hoche la tête en coulisses, donc c'est bien ça. Comme d'habitude, donc toutes les infos vous pouvez les retrouver sur nos réseaux, sur notre site. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre newsletter. Vous retrouverez les liens vers toutes les publications de Yann et de Anne-Bérénice dans la barre de description. L'émission sera disponible en rediffusion et le sous-titrage sera créé sous peu. Je vous remercie à nouveau Yann et Anne-Bérénice de nous avoir accompagnés ce soir. Je remercie Marcel à la régie. Je remercie Marianne pour sa chronique et Johan et Christine pour l'interprétariat. Et donc moi, c'était ma dernière émission. Puisque je pars du PPR Autonomie à la fin de la semaine. Donc c'est très proche. Mais j'étais ravie de faire cette dernière émission avec vous et plus généralement de ce cycle qu'on a co-construit avec Laure Saint-Côty que vous ne voyez pas à l'écran mais qui alterne à la présentation avec moi et qui m'a beaucoup aidée dans ce processus. C'est jamais facile de prendre en main des nouveaux formats. Et j'étais ravie de faire ça avec Laure pendant presque 2 ans. Et je remercie aussi Marianne qui nous a souvent souvent accompagnés avec ses chroniques. Et évidemment Marcel sans qui tout cela ne serait pas possible parce que fallait pas compter en tout cas sur mes compétences en technique. Et il le sait bien. Donc merci à toi également Marcel qu'on ne voit pas qui est en coulisses et à nouveau hein, les interprètes Christine et Johan de Sils hein, qui nous accompagnent très très très très régulièrement. Donc voilà, j'étais ravie de ce cycle d'émissions qu'on a pu construire et qui continue hein, après mon départ, hein, je le précise. Donc n'hésitez pas à regarder le site de manière régulière pour avoir ces informations et à vous abonner à nos différentes pages comme je l'ai mentionné. Voilà, merci à tous et puis bonne soirée. Thank you.